Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 147. Du jeûne. Le jeûne est un acte de la vertu d'abstinence. Précepte du jeûne. Quelles personnes en sont dispensées? Les époques du jeûne. Unité du repas. L'heure du repas. Aliment dont on doit s'abstenir. 1. Le jeûne est-il un acte de vertu? Les actes vertueux sont ceux que la raison peut rapporter à une fin honnête. Or nous pratiquons le jeûne pour trois fins principales. En premier lieu, pour réprimer les convoitises de la chair et conserver la chasteté. Sans serrer ses bacchus, disait saint Jérôme, Vénus perd son feu. En second lieu, pour que notre âme s'élève avec plus de liberté à la contemplation des mystères divins. Daniel 10 rapporte qu'après trois semaines de jeûne, il eut une révélation de Dieu. En troisième lieu, pour expier nos péchés, selon cette parole de Joël 2, 12, convertissez-vous à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les pleurs et les gémissements. Ces trois motifs du jeûne sont exprimés par saint Augustin de la manière suivante. Le jeûne purifie l'âme, élève les pensées, soumet la chair à l'esprit, rend le cœur contrit et humilié, disperse les nuages de la concupiscence, éteint le feu des passions et allume la vraie lumière de la chasteté. Il est évident par là que le jeûne est un acte de vertu. Note. On a dit, jeûner, c'est enlever à la nature ce qui lui est nécessaire, le jeûne n'est pas un acte de vertu. Nous répondons que, dans certains cas, la raison prescrit à la nature de se priver de nourriture, pour éviter, par exemple, une maladie, ou pour exécuter avec facilité quelque ouvrage corporel. Combien plus n'est-il pas permis de s'imposer des privations semblables, dans le but d'acquérir les biens spirituels, en s'éloignant du péché? Il ne faut pas, toutefois, que nous mettions notre vie en péril par le jeûne, la raison nous le défend. Il n'est pas plus permis, dit saint Jérôme, de se tuer peu à peu que de se tuer d'un seul coup. Détruire son corps par une privation excessive de nourriture ou de sommeil, c'est offrir à Dieu un holocauste dérobé. Le jeûne ne doit pas davantage vous rendre incapable de remplir nos devoirs, on aurait tort de le préférer à la charité. Fin de la note. 2. Le jeûne est-il un acte de l'abstinence? Le jeûne, privation de nourriture, est évidemment un acte de la vertu d'abstinence, mais cela ne veut pas dire qu'il ne puisse point appartenir aussi aux vertus de religion et de chasteté, ou à tout autre. Note. Dans un sens figuré, il s'applique à l'abstinence de tout péché et de tout plaisir illicite ou nuisible. Fin de la note. 3. Le jeûne est-il de précepte? Le jeûne étant utile à l'expiation et à la répression de nos fautes non moins qu'à l'élévation de notre âme vers Dieu, chacun de nous est tenu par le droit naturel d'y recourir autant qu'il est nécessaire pour ces trois fins. Mais, de même que c'est au prince séculier à fixer le droit naturel en ce qui, dans l'ordre temporel, tient à l'utilité commune, c'est aussi au prélat de l'Église qu'il appartient de régler, selon les convenances et l'utilité du peuple chrétien, le temps et la manière de jeûner. De là le jeûne ecclésiastique, l'autre est le jeûne naturel. Note. Le jeûne est nécessaire, comme remède, à tout le monde. Tous, dit saint Jacques, 3:2, nous offensons Dieu en beaucoup de choses. La chair, ajoute saint Paul, s'élève contre l'esprit. Dès lors, il convenait que l'Église établît des jeûnes obligatoires pour tous les fidèles, ce n'était pas érigé en précepte des œuvres de surérogation, c'était déterminer en particulier ce qui est nécessaire en général. Les jeûnes de l'Église sont obligatoires, suivant l'intention du législateur. Les préceptes qui les ordonnent n'obligent pas tout le monde de la même manière. Les violer par mépris de leur auteur ou de manière à empêcher la fin qu'il s'est proposée, c'est pécher mortellement. Mais si on a une cause raisonnable, telle surtout que, s'il était présent, il prononcerait que la loi n'oblige pas, leur omission ne constitue pas un péché mortel. Quoi qu'il en soit, les jeûnes d'obligation ont été établis par les saints canons et fortifiés par la coutume universelle de l'Église. Fin de la note. 4. Tous les fidèles sont-ils tenus aux jeûnes de l'Église ? Nous avons vu dans le traité des lois que les préceptes généraux ont pour but l'utilité de la multitude. Le législateur, en les établissant, considère ce qui arrive communément, et dans le plus grand nombre de cas. S'il y a quelques circonstances particulières qui s'opposent à leur observation, son intention est de ne pas obliger à les suivre, mais, à cet égard, il faut agir avec discrétion. Quelqu'un a-t-il une raison évidente? Il peut légitimement se dispenser lui-même, surtout si la coutume l'y autorise, ou si, dans le cas contraire, il ne peut pas facilement recourir à l'autorité. N'a-t-on qu'une raison douteuse, on doit recourir à celui qui a le pouvoir de dispenser dans ces sortes de cas. Ces principes sont entièrement applicables aux jeûnes établis par l'Église. Tous les fidèles, à moins d'un empêchement particulier, y sont généralement tenus. Note. Les préceptes de l'Église n'obligent pas autant que les commandements de Dieu, tandis que ceux-ci sont, par leur nature même, tout à la fois de droit naturel et nécessaire au salut, ceux-là ne sont de nécessité de salut que par l'institution de l'Église. Certains obstacles autorisent à ne pas les observer. Nous avons conservé à dessein cette expression, de nécessité de salut, pour montrer encore une fois que saint Thomas n'entend point par là ce que les théologiens modernes désignent par la nécessité de moyens. Voyez notre note, question 2, articles 8 et 9. Les enfants sont dispensés du jeûne jusqu'à la fin du troisième septénaire. Il convient pourtant de les y former d'avance par quelques privations. Pour les pèlerins et les ouvriers, il est une distinction à faire, dans le cas où ils peuvent commodément différer leur pèlerinage ou diminuer leur travail, sans inconvénient ni pour le corps ni pour l'âme, ils ne doivent pas omettre les jeûnes de l'Église. Mais s'il est nécessaire de commencer de suite un pèlerinage pour quelque nécessité spirituelle, ou de travailler beaucoup, soit pour la vie du corps, soit pour la vie spirituelle, sans pouvoir en même temps observer les jeûnes, on n'y est pas tenu, il ne paraît pas que l'Église, en les établissant, ait eu l'intention de mettre obstacle à d'autres bonnes œuvres plus nécessaires. Il semble cependant que, dans ces cas, on doit recourir à la dispense du supérieur, à moins que la coutume contraire n'ait prévalu. Le silence du supérieur équivaut à un consentement. Nous conseillons de lire, dans la théologie morale de Mgr Gousset, tome 1, page 3 et suivante, tout ce qui concerne la notion du jeûne, article 1 et les causes qui en dispensent, article 2, ouvrage disponible sur books.google.fr. Fin de la note. 5. Les jours de jeûne ont-ils été convenablement fixés? L'autorité de l'Église est suffisante à cet égard. Destinée à expier nos péchés et à élever nos âmes vers Dieu, Le jeûne a dû être placé aux époques où il faut que les hommes se purifient plus spécialement de leur faute et raniment la dévotion dans leur cœur. C'est dans ce double but qu'ont été institués les 40 jours de jeûne qui précèdent la solennité pascale, dans laquelle les fautes sont remises par le baptême, administré solennellement le samedi saint, et où les fidèles doivent s'occuper de la gloire éternelle, que le Seigneur a commencé par sa résurrection. Pour une raison semblable, il est ordonné de jeûner aux veilles des grandes fêtes, afin que tous les fidèles se préparent à les célébrer avec dévotion. La coutume de l'Église étant de conférer 4 fois par année les ordres sacrés, il était encore convenable d'y disposer par le jeûne ceux qui ordonnent, ceux qui sont ordonnés, et enfin tout le peuple, pour l'utilité duquel ont lieu les ordinations, de là le jeûne des 4 temps. Que convient-il de faire avant d'entreprendre un office de piété, disait saint Ambroise, apprenez-le du Sauveur lui-même, qui se mit en prière avant d'envoyer ses apôtres. 6. Est-il nécessaire, pour jeûner, de ne faire qu'un repas? L'Église a sagement réglé que l'on ne ferait qu'un seul repas les jours de jeûne, elle a pensé que, sans nuire à la santé, cette prescription était utile pour réprimer la concupiscence. Note. Il était impossible, à cause de la différence des tempéraments, de fixer pour tous la même quantité d'aliments, mais un seul repas peut, en général, suffire à tout le monde. D'après une coutume généralement reçue, il est permis d'ajouter à ce repas une légère collation, mais elle doit être telle pour la quantité et la qualité des mets qu'on ne puisse pas la considérer comme un repas. Voyez Monseigneur Gousset pour les causes qui autorisent à faire plus d'un repas les jours de jeûne, tome 1, page 118. Le jeûne naturel, requis pour l'Eucharistie, est rompu par la moindre goutte d'eau. Le jeûne ecclésiastique l'est seulement par les choses que l'Église interdit de prendre. L'Église n'a pas voulu défendre le boire, qui a pour but principal de remédier à l'altération du corps et d'aider à la digestion des aliments. Il est permis de boire plusieurs fois les jours de jeûne, mais non d'une manière immodérée. Les électuaires et autres médecines que l'on prend, moins comme nourriture que pour faciliter la digestion, ne rompent pas le jeûne. Fin de la note. 7. L'heure de nonne a-t-elle été convenablement fixée pour le repas? Le jeûne, institué pour expier et prévenir les fautes, devait, sans trop accabler la nature, ajouter quelque chose à l'usage où l'on est de dîner à midi. L'Église a prescrit sagement de ne prendre son repas qu'à l'heure de nonne, c'est-à-dire à la 3e heure de l'après-midi, laquelle concourt avec le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à la 9e heure du jour, ayant incliné la tête, rendit l'esprit. Note. Quoi qu'il en soit, l'heure du dîner pour les jours de jeûne n'est pas fixée d'une manière précise, elle s'estime moralement, il suffit que le repas se prenne environ à la 9e heure. Si, par hasard, l'heure de nonne devenait trop pénible, à cause des infirmités de l'âge ou pour tout autre motif raisonnable, on pourrait obtenir dispense du jeûne ou la devancer. Dans les premiers temps, on ne mangeait qu'après le coucher du soleil, au 5e siècle, on commença par avancer l'heure du repas, du temps de saint Thomas, il était fixé à l'heure de nonne, c'est-à-dire à 3 heures. Aujourd'hui, nous le prenons à midi, conformément à l'usage qui est force de loi. On est certainement libre de dîner après-midi, de renvoyer son repas jusqu'au soir, même sans raison, si l'on ne fait pas de collation, mais il n'est pas permis d'anticiper l'heure de midi, ce qui cependant doit s'entendre moralement. Ainsi l'on peut à volonté dîner à 11h30, il y aurait péché véniel, sans une cause raisonnable, à anticiper davantage. Quand on a une raison, on peut intervertir l'ordre du repas et de la collation, en collationnant à midi ou à 11h environ, et en dînant vers 6h du soir. Confère Monseigneur Gousset. Fin de la note. 8. Est-il convenable d'interdire à ceux qui jeûnent l'usage de la viande, des œufs et du laitage? L'Église ayant établi le jeûne pour réprimer les convoitises de la chair, il était convenable d'interdire aux jeûneurs les aliments qui sont les plus agréables au goût et qui portent davantage à la volupté, les viandes que donnent les animaux nés et vivants sur terre, le laitage des quadrupèdes et les œufs des volatiles. Note. L'interdiction porte moins sur les œufs et le laitage que sur la viande. Autrefois, on s'abstenait même de poisson et de vin, surtout en carême. L'Église a supprimé une telle abstinence, mais elle n'a point accordé de dispense générale pour la viande. Il y a des pays où l'on permet assez généralement l'usage du lait et du fromage, chacun doit se conformer à la coutume des lieux où il se trouve, que, chaque province, dit saint Jérôme, abonde dans son sens et suive les préceptes de ses ancêtres comme des lois apostoliques. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.